بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui notre cours numéro 15 dans l'explication du livre الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة avec les commentaires et les explications du Cheikh Ahmed al-Najmi رحمه الله تعالى. Et on est arrivé justement à l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi sur la section à propos du shirk. Et on a expliqué que, comme c'est mentionné dans le titre, « Dit du tawhid al-shirk », c'est-à-dire le contraire du tawhid, c'est le shirk. Donc autant c'est important de connaître le tawhid, autant c'est important de connaître le shirk pour pouvoir s'en préserver, pour pouvoir éviter de tomber dans ce qui est shirk. Et le shirk se manifeste de différentes façons. Et c'est pour cette raison que c'est un sujet important à étudier. Puisque des gens, par exemple, s'ils n'ont pas étudié le shirk, même s'ils connaissent le tawhid, eh bien, c'est possible qu'ils tombent par ignorance dans des formes de shirk. Et donc c'est très très dangereux puisque c'est le plus grand de tous les péchés. Donc le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit wa qawlu al-musannif rahimahullah ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع. أولا شرك أكبر وثانيا شرك أصغر وثالثا شرك خفي. فالشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا ولا يقبل معه عملا صالحا. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رب نعم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام قال في آخر ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم أقول الشرك يهدم الإسلام ويحبط العمل وصاحبه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة ولا يطمع في النجاة من النار بل هو خالد فيها مخلد. وهو ما تسجله هذه الآيات ونظائرها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Donc on va expliquer jusqu'ici, après on va continuer l'explication. Le Cheikh il dit premièrement que l'auteur du livre, c'est-à-dire le Cheikh Ibrahim al-Qara'awi, Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi, il dit dans son livre que le contraire du tawhid, c'est le shirk. Et que le shirk est divisé en trois grandes catégories. La première catégorie du shirk, c'est le shirk majeur. Le shirk majeur, le deuxième, c'est le shirk mineur. Et le troisième, c'est le shirk qui est caché. Donc, le shirk qui est caché, ça peut être parfois du shirk majeur, ça peut être parfois du shirk mineur. Hein? Mais sauf que ce shirk-là, parfois, il n'est pas visible, il n'est pas apparent. Et on va mentionner des exemples, Inch'Allah. Donc, le shirk majeur, Allah Azza wa Jal ne va pas le pardonner. C'est le péché impardonnable. Il n'y a pas d'autre péché impardonnable autre que le shirk majeur. Et quand on dit le shirk majeur, ça comprend aussi le kufr majeur. D'accord? Et lorsque quelqu'un est dans le shirk majeur, aucune de ses bonnes œuvres ne sera acceptée par Allah. Donc, c'est quoi les preuves de ça? Est-ce qu'il y a des preuves de ça dans le Coran? Oui, il y a des preuves de ça dans le Coran. Et le cheikh, il a cité plusieurs versets. Le premier verset qu'il a cité, c'est un verset important, le verset 116 dans Sourate An-Nisa. Et le même verset, c'est-à-dire le début de ce verset-là, on le retrouve dans le verset 48 aussi. Donc, dans Sourate An-Nisa, il y a ce verset qui se répète à deux reprises, le verset 48 et le verset 116. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. » Donc ce verset-là, si on le comprend correctement, on peut comprendre par ce verset la gravité du shirk et le fait que c'est le plus grand de tous les péchés que quelqu'un peut commettre, puisque c'est le seul péché que Allah ne pardonnera pas, hein, de façon catégorique. Et quand on dit que Allah ne le pardonne pas, ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait du shirk, il ne peut pas se repentir et qu'il ne peut pas revenir au tawhid. La preuve, beaucoup de mushrikines sont devenus musulmans. Et beaucoup de kuffars sont entrés dans l'islam. Et ils sont morts musulmans. Et ils sont revenus de leur mécréance. Donc, le verset, quand Allah dit qu'il ne pardonne pas le shirk, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pardonner celui qui se repent du shirk. Ça veut dire celui qui meurt sur le shirk, sans se repentir. Allah ne lui pardonnera pas son shirk. Et tandis que si quelqu'un meurt sur le tawhid sans avoir fait de shirk et qu'il avait commis d'autres grands péchés en dehors du shirk, des péchés moindres que le shirk parmi les grands péchés, et qu'il meurt sans se repentir de ces grands péchés-là, alors il va pardonner ces grands péchés-là à qui il veut. Puisque les péchés qui sont moindres que le shirk parmi les grands péchés, eh bien, il peut les pardonner à qui il veut. Il va faire miséricorde à qui il veut, il va pardonner qui il veut, il va châtier qui il veut, selon sa sagesse et selon sa justice et selon sa miséricorde. Donc, ça c'est la compréhension de ce verset-là, ce qui nous fait comprendre que le shirk c'est le plus grave de tous les péchés, puisque c'est le péché qui n'est pas pardonnable par Allah Azza wa Jal. Un autre verset que le cheikh a mentionné qui prouve ce point-là, c'est le verset 72 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Certes, ils ont renié la foi et ils ont mécru ceux qui ont dit que Jésus, le Messie, fils de Marie, c'est Allah. » Ceux qui disent que Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Ils ont renié la foi, ils ont mécru. Ce sont des kuffars. Et Allah Azza wa Jal dit, et le Messie a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. C'est ça la da'wa de Isa. Le message de Isa, c'est le message du tawhid, comme tous les prophètes. Il a seulement dit aux hommes, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et ça, c'est écrit textuellement, même si tu le regardes dans le Nouveau Testament que les chrétiens lisent aujourd'hui, cette parole-là, elle existe telle qu'elle, dedans, sans modification. Ou un endroit, une citation où Jésus dit, « Mon Seigneur, votre Seigneur, mon Dieu et votre Dieu. » Donc, c'est lui seul, quand on lui a posé la question, quand il a dit, « En quoi consiste la vie éternelle ?» c'est que vous adoriez mon Dieu et votre Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc ça veut dire l'islam, le prophète Isa alayhi salam, Jésus, le fils de Marie, il a enseigné aux hommes l'islam. Puisque le tawhid, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le tawhid. Et la suite du verset dit, et quiconque fait du... Oui, attends. Quiconque fait le shirk avec Allah, Allah lui interdira le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Naam. Tu voulais dire quelque chose? Ce verset-là? Ce verset dans le verset dans Sourate An-Nisa tout à l'heure? C'est les deux versets, 48 et 116. Non, ça c'est dans Al-Ma'ida, le verset à propos de Isa, de Jésus. C'est le verset 72 dans Sourate Al-Ma'ida. Et j'encourage tous les frères à essayer de mémoriser ces versets. Parce que c'est des preuves importantes pour comprendre le tawhid et pour expliquer aux gens aussi le tawhid. Donc de les mémoriser par cœur et d'être capable de les citer, de les comprendre et de les expliquer aux autres. Ça c'est très très important. Donc c'est pas juste le fait d'écouter les cours et puis tu dis bon je l'ai écouté, j'ai compris, ça suffit. Non, essaie de faire l'effort de prendre les versets, de les mémoriser, de les répéter comme ça si jamais tu discutes avec des gens et tu as besoin de leur expliquer le tawhid, eh bien tu es en mesure de leur citer les versets. Et comme ça, ça rajoute beaucoup plus d'arguments et de force à ton discours quand tu vas leur expliquer. Donc ça, c'est très très important. Et un autre verset que le cheikh a cité, c'est le verset 23 dans Sourate Al-Furqan. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie... Attendez, juste vérifier, parce que à chaque fois, ce verset-là, le terme ou la traduction du verset, à chaque fois, je me mélange. Donc, c'est le verset 23, on a dit. D'accord. « Waqadimna » Donc, « Waqadimna ila ma amilu min amalin » فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc ce verset-là, c'est à propos des kuffars, des mouchriquins. Allah Azza wa Jal, il leur dit, nous avons considéré les actions ou l'œuvre que les mouchriquins ont accomplies et nous l'avons rendue ou nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ça veut dire que leurs œuvres, toutes leurs bonnes actions, même si c'était des œuvres qui pouvaient atteindre le sommet des montagnes, du moment que ces actions-là ont été mélangées avec du shirk, eh bien, elles deviennent comme de la poussière en voulant dire qu'ils ne vont pas pouvoir profiter de rien de ces bonnes œuvres-là, parce qu'elles deviennent nulles, elles deviennent vaines. Donc, c'est comme s'ils n'avaient rien fait de bon. Hein? Donc, ça, c'est très important de comprendre, surtout lorsque les actions des koufars et des mouchriquins sont prises en considération dans la dunya. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans parfois qui sont trompés par l'apparence des koufars. Donc quand par exemple on leur parle des koufars, ils disent « Oui mais les koufars ils font beaucoup de bonnes choses, regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils font ci, ils font ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Hein? » Oui, mais même s'ils auraient fait tout le bien du monde, rien de ces bonnes actions-là ne va avoir aucune valeur au jour de la résurrection parce que ces actions-là n'ont pas été faites purement pour Allah seul et pour son visage et pour son agrément. C'est des actions qui ont été faites pour autre que Allah. D'accord? Donc les koufars et les mouchriquins, quand ils font du bien, ils le font pour différentes raisons. Soit ils le font pour leur divinité, soit ils le font pour leurs idoles, soit ils le font pour la fierté, pour se faire voir par ostentation, ou bien ils le font aussi pour se sentir bien en eux-mêmes, ou bien pour qu'on dise d'eux qu'ils sont bons ou généreux, ou des choses comme ça, mais pas pour Allah. Donc ça n'aura aucune valeur ces actions-là. C'est-à-dire, si des musulmans font des bonnes œuvres, mais pas pour Allah, c'est juste parce qu'ils veulent être bons, hein, ou des choses comme ça, ils veulent faire du bien, et que dans leurs actions, il n'y a pas l'intention d'obtenir d'Allah sa récompense au jour de la résurrection, alors c'est sûr que dans ce cas-là, ils n'auront pas la récompense pour ça. D'accord? Mais s'ils ont d'autres actions qu'ils ont faites pour Allah, dans ce cas-là, oui, ils auront la récompense pour les autres actions. Bon, sans connaître la récompense spécifique, il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde peut ignorer le mérite de faire certaines actions. Mais la personne va savoir de façon générale qu'il y a une récompense dans le fait de faire ce bien-là. Même s'il ne connaît pas nécessairement la récompense spécifique. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, on va retrouver parfois la mention de certaines récompenses pour certaines actions. Par exemple, Allah Azzawajal, il promet par exemple une récompense pour celui qui fait ceci ou qui fait cela. Et en même temps aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mentionner que celui qui fait ceci ou qui fait cela, il aura telle récompense. Il aura telle récompense, par exemple. Mais il y a d'autres actions à propos desquels Allah Azzawajal n'a pas spécifié qu'est-ce que sera sa récompense. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de récompense pour ces actions-là? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut seulement dire qu'il y aura une récompense de façon générale, même si on ignore laquelle. D'accord? Et même que le jeûne du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith Qudsi que Allah Azzawajal, il a dit, hein, à propos du Ramadan, si je me souviens, yani illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, hein, donc il a mentionné le fait que le fils d'Adam, lorsqu'il fait une bonne action, elle est récompensée parfois par 10, parfois multipliée par 700, ou bien même plus que ça. Et elle est multipliée par des milliers de fois, même plus que ça encore. On ne sait pas la quantité de fois qu'elle est multipliée. Il dit, excepté le jeûne. Parce que c'est moi qui le rétribue, qui va le récompenser. En voulant dire que la récompense du jeûne du Ramadan, elle est beaucoup plus grande que ça encore, et on ne peut même pas savoir. Et c'est Allah qui va récompenser la personne qui a fait le jeûne. D'accord? Donc ça veut dire que la récompense du jeûne, elle est immense. Hein? Mais on ne peut pas savoir à quel point elle est immense et qu'est-ce que ça implique. Hein? C'est seulement Allah Azzawajal qui sait. Quelle grandeur il y a comme récompense pour cette bonne action-là. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas, disons, une récompense? Oui, il y aura une récompense, même si elle n'est pas mentionnée. Peut-être même plus grande que pour les autres actions. Il y a aussi ensuite un autre verset qui est mentionné par le cheikh ici, c'est le verset 65 dans Sourate Az-Zumar. Et ce verset-là, il revient souvent dans les explications des ulama à propos du tawhid et du danger du shirk. Et donc, c'est un verset très important. Allah Azzawajal, il dit dans ce verset-là, ce qui signifie, et nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui étaient là avant toi, c'est-à-dire les autres prophètes avant, que si tu fais du shirk, tes œuvres seront vaines. Si tu fais du shirk, tes œuvres seront vaines. Et il dit également, donc ensuite, donc ça veut dire ce verset-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quel autre parmi les prophètes avant lui, alayhi salam, s'ils avaient fait du shirk, leurs œuvres auraient été vaines. Donc si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est évident que pour n'importe quelle autre personne comme nous, aussi également, si on fait du shirk, nos œuvres seront vaines également, et encore plus. Hein? Puisque les prophètes sont protégés contre ce genre d'erreur-là, hein. Tandis que nous, le commun des hommes, eh bien, on peut pas, justement, si on tombe dans le shirk, on mérite encore plus d'être et aller, d'avoir nos œuvres complètement annulées. Et le cheikh, il dit ensuite que après avoir mentionné et énuméré une longue série de prophètes, il mentionne un grand nombre de prophètes dans le verset, dans Sourate Al-An'am. Je vais vous mentionner le verset exactement. Non. Donc, en fait, c'est une série de versets à propos des prophètes. Ça commence au verset 83 et ça termine au verset 88. Donc, dans ces versets-là, Allah Azzawajal, il énumère plusieurs parmi les messagers d'Allah. Et je vais vous lire le verset au complet, comme ça vous donne une idée encore plus claire. Allah Azzawajal, il dit dans ces versets: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Voyez, après avoir tout énuméré, tous ces prophètes et messagers, il dit ce que il cite le verset donc 88 à la fin, et je vais vous le traduire au complet, vous allez voir. Donc le verset 83, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie: tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné, c'est-à-dire à Abraham, Isaac, Ishaq et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, il y a les prophètes Daoud, Suleyman, Ayoub, Yusuf, Moussa et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même que Zacharia, hein, Yahya, Jean-Baptiste, Isa, Jésus, ou Elias et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même que Ismaïl, Yani, ça c'est le fils de Ibrahim, Ismaïl, Wal Yasa, c'est qui? C'est Élisée, wa Yunus, c'est Jonas, wa Louta, et Lot. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un droit chemin. Et le verset 88 que le cheikh a cité: telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, c'est-à-dire s'ils avaient fait du shirk avec Allah, alors tout ce qu'ils auraient eu fait, hein, ce aurait été certainement vain. Donc ça veut dire que tous ces messagers que Allah a envoyés, ces prophètes, s'ils avaient fait du shirk, leurs œuvres auraient été vaines. Leurs œuvres ne leur auraient servi à rien. Donc ça, c'est la preuve que le shirk, ça détruit toutes les œuvres qu'une personne peut avoir accomplies. Et le cheikh, il résume ça en disant, donc le shirk détruit l'islam d'une personne et détruit la valeur de ses œuvres. Il l'annule. Hein? Et la personne qui fait le shirk, aucune de ses bonnes actions ne sera acceptée de lui. Hein? Et aucun de ses péchés ne sera pardonné de lui. Et il ne pourra jamais espérer en le salut de l'enfer ou à être sauvé de l'enfer. Et il sera éternellement dans l'enfer et il ne pourra jamais en sortir. Et il dit, ça c'est ce qui est mentionné donc dans ces versets qu'on a lus, ainsi que d'autres également qui sont semblables. Et il dit, c'est pour cette raison-là que Allah Azza wa Jal, il dit à propos de Isa alayhi salam dans le verset 72 dans Surat al-Ma'ida, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Certes, quiconque fait du shirk avec Allah, eh bien certes, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer. Et il dit ensuite, wa akhbara anna amalahum yadhhabu haba'an manthura. في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Et dans le verset 23 dans sourate Al-Furqan, comme on l'a lu tout à l'heure, Allah Azza wa Jal, il nous fait savoir que leurs œuvres va être comme de la poussière qui est éparpillée par le vent, hein, frappée. Et il y a beaucoup de versets qui mentionnent ce genre d'images là et d'exemples, comme par exemple ce que le cheikh il dit ici, wa qala subhana mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna 'ala ma kasabu min shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Donc dans le verset 18 dans sourate Ibrahim, notez ce verset, il est vraiment important. Vous écrivez Sourate Ibrahim, verset 18. Allah Azza wa Jal, il dit l'exemple des actions, hein, il dit l'exemple de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs œuvres sont comme de la cendre fortement frappée, hein, par le vent dans une tempête, dans un jour de tempête. Ils n'auront aucun pouvoir sur quoi que ce soit de ce qu'ils ont acquis. Et ça, c'est l'égarement lointain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs œuvres, c'est l'exemple de la cendre frappée par un vent dans un jour de tempête. Et il y a un autre verset aussi comme ça. Et je vais vous le citer, le cheikh il l'a pas mentionné ici. Mais je vais vous le citer. C'est le verset 39 dans Sourate An-Nur. Dans Sourate An-Nur. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset-là, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soif prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Allah est prompt. An-Nur, Nour, la lumière. An-Nur, c'est Sourate 24. Le verset 39, mais la Sourate, c'est la Sourate numéro 24. C'est-à-dire Sourate An-Nur. C'est le verset 39. Donc, vous voyez comment Allah Azza wa Jal compare les actions de ceux qui ont fait du shirk et qui ont renié la foi en Allah. Hein? Il compare à de la cendre éparpillée par le vent. Il le compare à de la poussière. Il compare à un mirage. Ça veut dire qu'ils n'auront rien de leurs bonnes œuvres. Donc ils se sont Ils ont fait tout ça pour rien en réalité. Après le Cheikh, il dit: ويشهد بتخليد المشركين شركا أكبر في النار قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Il dit dans le verset 213 dans Sourate Ash-Shu'ara, les poètes, il dit qu'il y a un verset qui témoigne que les mushrikines qui ont fait du shirk majeur seront éternellement en enfer, et c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: alors n'invoque pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras parmi les châtiés. Et il dit: wa qala jalla wa ala وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. فنفي الفلاح عنهم دليل على شقاوتهم الأبدية. Donc ici le Cheikh, il cite le verset 117 dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et quiconque invoque une autre divinité avec Allah à propos de laquelle il n'y a aucune preuve, eh bien son jugement sera c'est-à-dire son jugement incombera à son Seigneur, c'est son Seigneur qui va le juger, et certes il ne donne pas le succès aux mécréants. Donc ça, c'est la preuve que celui qui invoque d'autres avec Allah, il est parmi les mécréants, il est mushrik, kafir. Et il y a dans ce verset-là la négation donc du succès pour les mécréants et ceux qui font le shirk. Et le fait qu'ils nient à leur sujet le succès implique qu'ils auront le malheur éternel. Et ensuite il dit le shaykh: ثُمَّ قَسَّمَ الشَّيْخ رحمه الله النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام: الشرك شرك الدعوة وشرك النية والإرادة والقصد وشرك الطاعة وشرك المحبة. Donc il dit le cheikh ensuite, il a divisé la première catégorie de tawhid, le cheikh a divisé la première catégorie de shirk, c'est-à-dire le shirk majeur, en quatre catégories. Donc le shirk majeur, il l'a divisé en quatre grandes catégories. La première catégorie, c'est le shirk de l'invocation. La deuxième catégorie, c'est le shirk de l'intention, de la volonté et de l'objectif ou du but. L'intention, la volonté et l'objectif. Et la troisième catégorie, c'est le shirk de l'obéissance ou le shirk dans l'obéissance. C'est-à-dire d'obéir à autre que Allah dans ce qui est en contradiction avec la religion. Oui, là je suis rendu au 3. Là il y a une 3. Parce que la deuxième catégorie, il y a trois choses qui sont mentionnées. La deuxième catégorie, c'est le shirk dans l'intention, la volonté et l'objectif. Ça, c'est la deuxième catégorie, il y a trois choses mentionnées. Parce que la volonté, l'intention et l'objectif, c'est les trois synonymes ou ces trois significations qui se rapprochent. D'accord? La troisième, c'est le shirk dans l'obéissance. Et la quatrième, c'est le shirk dans l'amour. Donc ça, c'est les quatre grandes catégories de shirk. Et c'est possible qu'il y ait d'autres formes de shirk également dans les adorations, lorsque quelqu'un offre une adoration quelconque à Allah, comme le shirk de la crainte, le shirk de celui qui met son espoir en autre que Allah, le shirk de celui qui met sa confiance en autre que Allah, et ainsi de suite. Mais je pense que le shaykh, il s'est limité à ces quatre formes de shirk, parce que c'est parmi les formes de shirk qui sont les plus répandues, ou parmi les plus répandues. Donc le shaykh, il dit ici, le shirk dans l'invocation, il dit shirk, fa shirk ad-da'wa, دليله قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فشرك الدعوة يدخل فيه الشرك في دعاء العبادة والشرك في دعاء المسألة والطلب وشرك النية والإرادة والقصد دليله قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وشرك الطاعة دليله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهو طاعة العلماء والعباد بدون دليل وطاعتهم في معصية الله أي طاعتهم في معصية الله وشرك المحبة دليله قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Donc ici le sheikh il explique les quatre catégories de shirk que le sheikh a mentionné et il dit La première catégorie, c'est le shirk dans l'invocation, et la preuve à ce sujet-là, c'est le verset 117 dans Surat al-Mu'minun. Quand on dit c'est la preuve, ça ne veut pas dire que c'est la seule preuve. Ça veut dire que c'est une parmi les preuves qui montrent que le dua d'autre qu'Allah, c'est du shirk. Mais il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet. Donc, le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal, il dit... Dans ce verset-là, يعني, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ C'est-à-dire, quiconque invoque avec Allah une autre divinité, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, certes, son jugement incombe uniquement à Allah, son Seigneur, et Allah ne donne pas le succès aux mécréants. Ça prouve que celui qui invoque autre que Allah, il fait du shirk, et que ça, c'est du shirk dans le dua. Et le dua, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents et dans d'autres cours aussi, il y a deux sortes de dua. Il y a deux formes de dua. Le dua d'adoration et le dua de demande. Le dua d'adoration, c'est lorsque tu glorifies Allah. Et le dua ou l'invocation de demande, c'est lorsque tu demande à Allah de te donner quelque chose. Donc, peu importe que ce soit la première forme de dua ou la deuxième, les deux formes de dua, que ce soit l'adoration ou la demande, si tu l'as offert à autre que Allah, c'est du shirk majeur. D'accord? Donc, tu n'as pas le droit d'invoquer ou demander à quiconque ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah, hein? Sinon ça c'est du shirk. Et quand on dit de demander quoi que ce soit à quiconque autre que Allah, c'est-à-dire en particulier lorsqu'on demande à, par exemple, un être qui est mort, ou un être qui est absent, ou qui est pas présent. Comme par exemple, demander à des djinns, demander à des anges, hein? Demander à des morts, ça c'est du shirk majeur. Et si c'est quelqu'un qui est absent, c'est-à-dire il n'est pas mort, mais il est vivant, mais il est pas là, hein? Il est ailleurs, dans un autre très très loin, et qu'il ne peut pas t'entendre, si tu lui demandes, et que tu lui demandes malgré ça, alors ça devient... Yani, du shirk aussi. Et même si tu demandes à quelqu'un qui est présent quelque chose, mais qu'est-ce que tu lui demandes? C'est quelque chose qui est... que c'est seulement Allah qui est capable de le faire. Comme par exemple pardonner les péchés, ou faire tomber la pluie, ou te guérir, te sauver de la mort, ou bien, par exemple, te donner un enfant, hein, ou des choses comme ça. Tu demandes à des créatures des choses que seul Allah peut faire, ça aussi c'est du shirk majeur. Même si cette personne elle est présente et vivante. Le seul cas où tu peux demander à une créature, c'est lorsque tu vas lui demander, par exemple, si tu vas demander, par exemple, à quelqu'un qui est présent et qui est vivant, quelque chose qu'il est capable de faire, ça, c'est pas du shirk. D'accord? Donc, si je te dis, par exemple, mon frère, par exemple, est-ce que tu peux aller ouvrir la porte pour moi? Est-ce que tu peux aller chercher, par exemple, mon ordinateur dans le bureau? Est-ce que tu peux aller... est-ce que tu peux me rendre un service, allumer le chauffage ou des choses comme ça, hein? Éteins le ventilateur. Ça, c'est pas du shirk, hein? Pourquoi? Parce que je te demande quelque chose que tu es capable de faire et qui est dans ta capacité et tu es présent et tu es vivant. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si je demande ça à un mort, ben là, ça devient du shirk. Parce qu'il ne peut pas le faire. Hein? Ce n'est pas la même chose. Mais si tu parles avec des soufis, hein, eux, ils essaient de dire, vous dites que d'appeler ou de demander à quelqu'un quelque chose, ça c'est du shirk. Ça veut dire que si tu demandes à quelqu'un de t'aider, ça veut dire que tu fais du shirk. Et il dit, il n'y a pas de différence entre un vivant et un mort. Donc ils essaient d'argumenter avec ça, alors que c'est réellement ridicule, puisque tout le monde sait la différence entre un vivant et un mort. Et eux, ils disent, il n'y a pas de différence de demander au prophète quand il est vivant et quand il est mort. Alors que c'est clair qu'il y a une différence entre les deux. Hein? Et les sahaba, ils allaient souvent demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire des doigts pour eux, quand il n'y avait pas de pluie, ils demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire l'istisqa. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua pour eux. Et la pluie tombait à ce moment-là, par la permission d'Allah. Mais après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba n'ont jamais demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire l'istisqa, puisqu'il était mort déjà. Donc ils allaient voir l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il disait à son oncle, Al-Abbas, de faire l'istisqa pour eux. C'est-à-dire de faire le dua quand il n'y avait, avait pas de pluie. Et il disait, « Oh Allah, on te demandait auparavant par le dua de ton prophète. Et maintenant, on te demande par le dua de l'oncle de ton prophète, c'est-à-dire Al-Abbas. » Alors il disait, « Al-Abbas, lève-toi, fais le dua pour nous. » Et il se levait et faisait le dua. Si c'était permis de faire le dua par quelqu'un qui est mort ou de demander à quelqu'un qui est mort quelque chose pour faire des dua pour nous, eh bien, ils auraient demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais non pas à son oncle, hein, si c'était permis. Donc, tout ça, c'est eux, les soufis, par exemple, ils disent ça, c'est pas du shirk, c'est du tawassul et c'est pas interdit. Hein? Non, ça, c'est comme ça qu'ils essaient de changer les noms ou les mots. Changer les appellations pour pas admettre que ce qu'ils font, c'est du shirk. L'idéal et le mieux, c'est de ne rien demander à personne. Rien du tout. Mais c'est pas interdit de demander quelque chose à quelqu'un si tu as besoin de quelque chose. D'accord? Mais l'idéal, c'est de ne rien demander. C'est ça qui est préférable. D'accord? Non. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'autre catégorie de shirk, le shirk dans l'intention, la volonté et l'objectif. Et il dit la preuve de cela, c'est dans le verset 15 et 16 dans Sourate Hud. Et il cite le verset qui signifie, donc les deux versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et quiconque désire la vie d'ici-bas ou veut la vie d'ici-bas, ainsi que sa parure, nous lui donnerons, hein, nous lui rétribuerons ce qu'il a fait comme action dans ce bas monde, et ils ne seront point lésés. C'est-à-dire que ceux qui font les actions pour la dunya seulement et pour obtenir des biens de la dunya seulement et la parure de la dunya seulement, eh bien Allah va leur récompenser le bien qu'ils font dans ce bas monde seulement. Et ils ne seront point lésés. Il dit, ceux-là sont ceux qui n'auront rien, hein, dans l'au-delà, excepté l'enfer. Et tout ce qu'ils auront œuvré, hein, dans ce bas monde sera annulé, et tout ce qu'ils auront fait sera vain. Donc c'est pour dire que la personne qui fait des œuvres pour autre que Allah et que son intention c'est la dunya seulement, il peut être récompensé pour ses bonnes œuvres dans ce bas monde, mais dans l'au-delà il n'aura aucune récompense, il n'aura que l'enfer. D'accord? L'autre catégorie de shirk, c'est le shirk dans l'obéissance. Et la preuve à ce sujet-là, c'est dans le verset 31 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie. Est-ce qu'on l'avait lu ce verset-là? Oui, on l'a lu en arabe. Donc la signification du verset, c'est qu'ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et la façon dont ils ont pris ces rabbins et ces moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, c'est dans leur obéissance à ces moines et à ces rabbins, en voulant dire que ces moines et ces rabbins ont déclaré ou ont rendu halal des choses que Allah a interdites. Ils rendent halal des choses haram. Et les gens prennent ce que les moines et les rabbins ont déclaré halal, ils le prennent comme étant halal, malgré que Allah l'a déclaré haram. Donc le fait d'obéir sciemment à ces moines et à ces rabbins, alors que tu sais que ce qu'ils font, c'est le contraire de ce que Allah a dit, et tu les suis là, dans ce qu'ils ont changé de la religion d'Allah ou de ce qu'ils ont déformé dans le jugement des choses, eh bien à ce moment-là, c'est comme si tu les avais adorés. Et c'est comme si dans ce cas-là, tu as fait du shirk dans l'obéissance. Hein? Donc, si tu leur obéis parce que tu penses que qu'est-ce qu'ils disent, c'est la vérité, c'est-à-dire tu les as obéis dans le fait de rendre halal ce qui est haram, mais tu ne savais pas que Allah avait déclaré ça haram, à ce moment-là, ce ne sera pas du shirk. Pourquoi? Parce que tu ignorais que ces moines et ces rabbins ou ces imams ou ces shuyukh avaient changé la religion. Mais si tu sais qu'ils ont changé la religion et tu leur obéis malgré tout, hein, alors là, oui, ça devient du shirk. D'accord? Voyez la nuance? Voyez la différence? Donc ça, c'est important à comprendre. Et ça implique pas seulement le fait d'obéir à des moines et à des rabbins, mais ça peut être aussi applicable au fait d'obéir à des shuyukh, des imams musulmans, ou bien même à des dirigeants ou à des... peu importe. Si par exemple... Les gens, par exemple, aussi qui font des lois, hein, qui prennent la loi des Français ou les lois des Américains ou les lois des Britanniques ou les lois de d'autres pays, de la Chine ou de l'Inde ou du Japon ou de la Russie. Et puis, ils disent, nous, on va appliquer ces lois-là, c'est ça, ces lois qu'on va suivre. Et qu'ils pensent que ça, c'est halal de le faire. S'ils croient que c'est halal de le faire, ça, c'est du shirk, c'est du kufr. Ou s'ils pensent que c'est meilleur que le Coran et la Sunna, ou que c'est égal au Coran et à la Sunna, hein? Alors là, ça devient du shirk aussi. Mais si la personne le fait en croyant que la vérité, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et que l'islam et la charia, c'est ça qui est supérieur et meilleur et obligatoire, et que de juger par des lois autres, c'est kufr, et que c'est interdit, mais qu'il le fait par exemple pour un gain dans la dunya, pour des intérêts ou pour sa passion, mais qu'il sait que ça c'est haram, alors à ce moment-là, non, c'est pas du kufr. Mais c'est un grand péché parmi les grands péchés. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre aussi. Et il y a le shirk dans l'amour, et la preuve à ce sujet-là, c'est le fait que les mouchriquins, ils aiment leurs idoles comme on aime Allah. Hein? Et il n'y a pas un mouchrik qui fait du shirk, excepté que ceux qui l'adorent en dehors d'Allah, ils l'aiment. Hein? Ils l'aiment avec Allah ou ils l'aiment en dehors d'Allah. Comme on aime Allah, et ça c'est du shirk parce que l'amour, c'est le cœur de l'adoration. L'amour, c'est le centre de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans l'amour. Hein? Donc si cet amour-là, elle est offerte à autre qu'Allah, ça devient du shirk. Et la preuve, c'est que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 165, dans Surat Al-Baqarah, il dit ce qui signifie, et parmi les hommes, il y en a qui prennent des seigneurs en dehors d'Allah qu'ils aiment comme on aime Allah. D'accord? Donc ça, c'est du shirk. Et donc c'est ça. Il dit, وَالْمُؤَلِّفُ يَرْحَمُهُ اللَّهُ هُنَا قَسَّمَ الشِّرْكِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ وَالْأَقْرَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أن الشرك ينقسم إلى نوعين نوع يخلد في النار ويحبط العمل ونوع لا يكون كذلك فحينئذ نقول شرك أكبر وشرك أصغر وهذا يشمل ما كان ظاهرا وجليا وما كان خفيا. Juste pour expliquer ici qu'est-ce que le cheikh il dit qui est intéressant. Il dit que l'auteur du livre, quand il a expliqué le shirk, il a dit que ça se divise en trois grandes catégories. Le shirk majeur, le shirk mineur, le shirk caché. Mais il dit que qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est plus correct, Wallahu a'lam, hein, et Allah c'est mieux, c'est de dire plutôt que le shirk se divise seulement en deux catégories et non pas en trois. Pourquoi? Parce que même le shirk qui est caché, il retourne à une des deux premières catégories. C'est-à-dire le shirk caché peut être un shirk majeur ou un shirk mineur. Donc ça revient à dire un shirk majeur ou mineur. C'est pour ça que le shirk dit, c'est mieux de dire qu'il y a seulement deux formes de shirk. Un shirk majeur qui fait que la personne est éternellement en enfer et qui annule les œuvres. Et la deuxième catégorie de shirk qui est le shirk mineur, qui ne fait pas demeurer éternellement en enfer et qui n'annule pas les œuvres complètement. C'est-à-dire qu'il va uniquement annuler cette œuvre en particulier, non pas toutes les œuvres que la personne a faites. Et ça, c'est le shirk mineur. Donc, il y a shirk majeur, shirk mineur. Le shirk majeur fait demeurer éternellement en enfer et il annule toutes les œuvres, tandis que le shirk mineur, il ne fait pas demeurer éternellement en enfer et il annule uniquement l'œuvre dans laquelle il y avait du shirk mineur et non pas toutes les œuvres au complet. Et il dit, peu importe que ça comprend donc dans les deux catégories, le shirk qui est caché, il peut être du shirk majeur ou il peut être du shirk mineur. C'est pourquoi il est préférable de diviser le shirk en deux catégories plutôt que trois. Donc, il dit, malgré tout, donc il explique le shirk caché. Et il explique que le shirk caché se divise en deux catégories. Et on va le terminer comme ça après, au prochain cours, on pourra commencer avec les catégories de kofr. Hein? Donc, tu voulais poser une question? Oui, c'est le verset 15 et 16 dans Surat Hud. Hud. Donc, ensuite, pour terminer, le cheikh, il dit, وَأَمَّا الشِّرْكُ الْخَفِيِّ فَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ الْأَوَّلِ رياء يعتبر شركا أكبر وهو الذي يكون حافزا على العمل فإذا عدم لا يعمل صاحبه وهو رياء المنافقين ولهذا لم يكونوا يحرصون على حضور العشاء والفجر وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر لأنه لم يوجد أنوار في ذلك الوقت فينفضحون كما قال الله تعالى فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والثاني الرياء العارض للعمل كأن يكون الإنسان يعمل عملا خيريا ولكن يحسنه من أجل أن يمدح عليه وهذا يكون عارضا على العمل فهذا لا يخرجه من الإسلام ولكن قد يصل بالإنسان إلى أنه يحبط ثوابه لكن إذا كافحه صاحبه ودعا بالأدعية الواردة نرجو أن ينجو منه والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقول أحدهم إذا وجد شيئا من ذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه فإذا قلنا إن الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر دخل الشرك الخفي كيسير الرياء في القسمين كما تقدم دخل في القسم الثاني وهو الشرك الأصغر الحلف بغير الله وشرك الإسناد والتشريك بالمشيئة مثل ما شاء الله وشاء فلان ومعنى شرك الإسناد أن تسند النعم إلى غيرها إلى غير واهبها ومسديها مثاله ما يقال النجم الفلاني جاد الخريف جاد يعني والجود لا يكون إلا من الله وكذلك من الشرك الأصغر قول لولا فلان أو لولا الشيء الفلاني لحصل كذا أو لما حصل كذا والحق أن يقول العبد المسلم لولا الله وحده وهو الأفضل ويجوز له أن يقول لولا الله ثم فلان Donc on va expliquer le shirk caché et le cheikh il dit que il se divise en deux catégories. La première c'est ce qui est l'ostentation qui est considérée shirk majeur et l'autre c'est l'ostentation, le riya qui est considéré shirk mineur. D'accord? Donc c'est ça le shirk caché puis il y a d'autres catégories de shirk mineur aussi qui sont mentionnées. Donc ici le cheikh il explique le shirk majeur qui est l'ostentation dans le shirk majeur dans l'ostentation, c'est quoi? Le shirk majeur dans l'ostentation, c'est lorsqu'une personne elle va seulement faire une action lorsque des gens la voient. Et si des gens la voient pas, elle ne va pas faire l'adoration. Et ça, c'est l'ostentation des hypocrites, des munafiqines, puisque ils n'incitaient pas pour assister à la prière de Aïcha et la prière de Fajr. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, que la prière la plus lourde pour les munafiqin, c'est la prière de Isha et la prière de Fajr. Pourquoi? Parce que dans ces deux prières-là, et peut-être qu'à notre époque, les gens ne vont pas comprendre cette raison dans plusieurs endroits dans le monde. Pourquoi? Parce que à notre époque, les choses sont différentes. La raison pourquoi les munafiqin, ils ne venaient pas à l'Isha et à l'Fajr, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'il n'y avait pas à l'époque? Il n'y avait pas de lumière. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de Fajr et la prière de Isha, il n'y avait pas de lumière. Alors, les gens venaient faire la prière, mais ils ne voyaient pas qui est là, qui n'est pas là. Alors, les munafiqins, ils en profitaient pour se faufiler, pour s'absenter. Et ils savaient que personne n'allait savoir qu'ils étaient là ou non. Tandis que les autres prières, il y avait de la lumière. Les gens, on pouvait les voir, alors ils n'avaient pas peur de... C'est ça. Donc ça, c'est une forme de ria majeure. C'est-à-dire de ria qui est une forme de ria qui est un shirk majeur. C'est-à-dire la personne qui adore Allah seulement lorsqu'elle sait que des gens vont la voir. Et si personne ne la voit ou savent, les gens ne voient pas ou savent pas qu'ils sont là ou non, eh bien, ils ne vont pas adorer du tout. Et le verset que le cheikh a cité à ce sujet-là, c'est le verset 142 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, et lorsqu'il se lève pour la salat, il se lève paresseusement pour se faire voir des hommes, et il ne se rappelle d'Allah que très peu. Maintenant, le riya qui est mineur, l'ostentation mineure dans une œuvre ou dans une action en particulier, c'est lorsque quelqu'un fait une bonne action quelconque et qu'elle l'embellit pour se faire glorifier par les gens. Donc ça, c'est quelque chose en général qui se présente pendant l'action. C'est-à-dire que le riya, il apparaît pendant que la personne est en train de faire cette action-là. Et donc ça ne fait pas sortir de l'islam, parce que la base de l'action, au départ, elle était pour Allah. Mais le riya est rentré et s'est présenté dedans. Donc le cheikh, il dit, ça peut arriver donc même au degré ou à un niveau où la valeur ou l'action elle-même sera annulée complètement. Si la personne, elle se laisse aller dans le riya, dans l'ostentation au complet. Lorsque le riya apparaît dans son cœur, qu'elle commence à avoir de l'ostentation, au moment où elle est en train de faire l'action, elle commence à le faire, puis elle sent du riya en elle. Si elle se laisse aller dans le riya, ça annule la valeur de cette action-là. Mais si elle combat le riya et elle essaie de le repousser et qu'elle fait des invocations pour demander à Allah Azza wa Jal de le protéger contre le riya à ce moment-là, alors il dit le cheikh, on espère que la personne en sera sauvée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelques invocations à ce sujet. Et il cite comme exemple certaines invocations comme celle dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, je cherche refuge en toi, d'associer avec toi ce que je sais, ou bien alors que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas, et c'est toi qui sais, et moi je ne sais pas, et tu connais l'invisible. Tu connais l'invisible. Donc ça, c'est une invocation qui est rapportée par Al-Bukhari, selon Jabir ibn Abdullah. Et Il y a d'autres invocations que le cheikh a mentionnées. Oh Allah, inspire-moi la droiture et la rectitude et protège-moi contre le mal de mon âme. Et également une autre invocation apportée par At-Tirmidhi dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Oh Allah, créateur des cieux et de la terre, Seigneur de toutes choses et maître de toutes choses, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté toi et je cherche refuge en toi contre le mal de mon âme et contre le mal du shaitan et de ses associés. » Donc ça, c'est les invocations en question. Après, le cheikh, il dit, donc si on dit que le shirk se divise uniquement en deux catégories plutôt que trois, c'est-à-dire le shirk majeur et le shirk mineur, eh bien, le shirk caché, comme par exemple la simple ostentation ou l'ostentation, elle se divisera en ces deux catégories-là. C'est-à-dire l'ostentation qui est un shirk majeur et l'ostentation qui est un shirk mineur. Et il dit, et dans cette deuxième catégorie du shirk, qui est le shirk mineur, on peut inclure également d'autres exemples. Comme par exemple, parmi les formes de shirk mineur, le fait de jurer par autre que Allah. Lorsque par exemple quelqu'un il dit, je jure par ma mère ou par la tête de mon père, ou je jure par la Kaaba, ou je jure par l'honneur, ou je jure par je jure par le ciel ou par la terre. C'est-à-dire, peu importe la chose par laquelle tu jures en dehors d'Allah, c'est du shirk mineur. Et même que les ulama ont mentionné que dans certains cas, ça peut même être du shirk majeur si la chose par laquelle tu jures est quelque chose que tu mets à égalité avec Allah. Comme par exemple, les mushrikines et les kuffars qui jurent par leurs idoles. Ou bien les certaines personnes qui sont musulmanes qui jurent par leur cheikh ou par le wali ou des choses comme ça ou par une tombe. Ça peut même devenir du shirk majeur. Ensuite, l'exemple de shirk mineur aussi, shirk al-isnad. Shirk al-isnad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas... c'est comme si tu attribues à des créatures des choses que c'est Allah seul qui les fait. Comme par exemple, tu dis, on a eu de la pluie à cause des étoiles. C'est les étoiles, les étoiles nous ont donné la pluie. Ou bien tu dis, telle étoile a été généreuse envers nous. Ou tu dis, ah, le printemps, il a été généreux envers nous cette année. Hein? Ou, l'été, il a été généreux envers nous. On a eu une bonne récolte. Comme si les gens aujourd'hui qui disent, ah, la nature fait bien les choses. T'sais, ils attribuent les choses qui se passent dans la création à la nature. Hein? Alors que la nature, c'est une créature d'Allah. Elle n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit, ni les étoiles, ni la lune, ni rien. Tout ça, c'est Allah qui contrôle et qui décide, et non pas ces créatures-là. D'accord? Donc c'est ça le shirk al-isnad. Oui. Et ça, c'est une forme de shirk mineur. Ça fait partie du shirk s'il pense que ça se passe tout seul. Parce que si tu dis la pluie, ça vient de la condensation avec l'humidité, puis la chaleur, puis le vent, puis les éclairs, ça vient avec les molécules d'eau dans les nuages, avec l'échange des électrons, puis que les tremblements de terre, ça vient du frottement entre les plaques tectoniques, lorsque ci et ça, hein? Ils disent ça. Sauf que c'est qui est-ce qui décide ça? Et c'est qui est-ce qui contrôle ça? C'est Allah. Hein? Qu'est-ce qui décide que le nuage il s'en va à telle direction et qu'il s'en va de telle direction? Et pourquoi le vent il change de direction? Le vent il souffle vers l'est et après il souffle vers l'ouest. Est-ce que le vent il a une volonté? Est-ce que c'est le vin qui décide aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je vais aller au nord. Ah non, là, je vais aller au sud-est, nord-ouest. Le vin, il n'a pas de volonté. Il ne se contrôle pas lui-même. De même que les plaques tectoniques, elles ne peuvent pas se contrôler elles-mêmes. De même que les électrons, ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes. Tout ça, c'est Allah qui contrôle. Hein? Et qui est-ce qui décide? Quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que la pluie va tomber? Quand est-ce que l'éclair va tomber? Où est-ce que la foudre va tomber? Tout ça, c'est Allah Azza wa Jal qui décide ça et qui contrôle ça. Donc, il faut attribuer ces choses-là et les ramener à Allah, celui qui les contrôle. Et la même chose aussi, le cheikh, il dit, le shirk dans la volonté, lorsque quelqu'un va dire Masha Allah wa sha'a fulan. Et ça, c'était arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un avait dit au prophète Masha Allah wa shi'at. Yani ce que Allah a voulu et toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah? Dis ce que Allah veut, lui seul. D'accord? Parce que la volonté d'Allah, elle est au-dessus de la volonté des créatures. Et on n'a pas le droit de mettre la volonté d'une créature à égalité avec la volonté d'Allah. Et c'est pour ça, donc, si tu veux dire quelque chose dans ce sens, il est permis de dire « Masha'Allah, ensuite, un tel. » Hein? Ce que Allah a voulu, ensuite un tel, puis un tel. Mais de dire ça et un tel, hein, c'est comme si tu faisais une égalité entre les deux. Alors là, c'est pas permis. De même que lorsque tu dis, si ce n'était d'un tel, il n'y aurait pas eu telle chose ou telle chose. Ou yani, si ce n'était de qu'est-ce que lui il a fait, il n'y aurait pas eu telle chose ou telle chose. Il faut dire non. Si ce n'était d'Allah, hein, lui seul, il n'y aurait pas eu telle ou telle chose. Et sinon, tu dois dire, si ce n'était d'Allah, puis ensuite d'un tel, alors là, c'est permis de dire ça. Mais de l'attribuer à la personne seulement, ça rentre dans le shirk aussi. C'est du shirk majeur. Pourquoi? Parce que c'est une erreur d'expression. Une façon comment la personne elle s'exprime qui est incorrecte. Et donc c'est important donc de faire attention. C'est comme aujourd'hui, les gens ils font pas attention à certaines choses comme ça. Ils disent par exemple à propos de comme par exemple, ils vont maudire la pluie, hein, ils vont maudire la température. Ils vont insulter le vent, ils vont insulter les virus ou la maladie, hein? Quand il y a la pandémie, là, il y en a qui insultaient le COVID. Et ça, c'est des choses qui n'ont aucune volonté en elles-mêmes. Donc, on ne peut pas les blâmer ou les maudire ou les insulter, parce que ça équivaut à insulter Allah, Azza wa Jal, puisque c'est Allah qui contrôle ça. Qui contrôle la température? Qui est-ce qui contrôle la pluie? C'est Allah. Qui est-ce qui contrôle la température? C'est Allah. Qui est-ce qui contrôle le temps? C'est Allah. Qui est-ce qui contrôle les maladies, les virus et tout ce qui se promène dans la création? C'est Allah Azza wa Jal. Donc si tu les insultes, si tu insultes Allah, hein, donc il ne faut pas yani, commettre cette erreur. On va s'arrêter aujourd'hui à ce point-ci et on continuera la semaine prochaine avec le cours suivant dans un nouveau chapitre à propos du kufr et de la définition. Qu'est-ce que c'est le kufr, ou bien plutôt les différentes catégories de kufr, hein, et les exemples et les preuves de chaque catégorie. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم Az-Zumar. Oui. Le numéro. Oui. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est le verset 65. Dans 65. Dans le shirk caché. Oui, le verset 142 dans Sourate An-Nisa à propos des munafiqin. Ouais. C'est mineur. Shirk mineur. Non, ça c'est pas du shirk parce que en fait tu apprends des causes. Tout ça c'est des causes que Allah a créées. Donc il y a pas de mal de connaître ces causes là. Le problème c'est que les koufars eux ils oublient qui est-ce qui est responsable de ces causes. Hein? C'est ça le problème. Donc toi tu vas pas dire comme eux, hein? Tu vas pas oublier Allah. Mais comme par exemple, tu vois par exemple les koufars quand ils donnent la météo, ils disent ah, demain il va avoir des précipitations, il va avoir des vents, il va avoir de la pluie, demain il va avoir une tempête. Ils disent pas inshallah. Mais toi tu vas dire inshallah. D'accord? Parce que tu sais pas, tu peux pas savoir avec certitude qu'est-ce qu'il va y avoir demain, d'accord? Donc ça c'est ça qui est important à comprendre, d'accord? Ok. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.